plat de ses couffes. Dont dispose le procureur. À mon tour d'étaler ta vie, voir ce que ça te fait à cette heure. Plus d'une centaine de mails soigneusement à imprimer. Aller même prendre conseil auprès du brigadier. J'ai les nerfs à vivre, je crois pas qu'écrire et change quoi que ce soit. Me calmer, j'y arrive pas. Abandonner, c'est pas pour moi. Laissez faire, Esther. Puis sucer, tant qu'à faire. Lâche l'affaire, faut plus qu'une menace judiciaire pour m'en défaire. Attends, ça dépose plainte avec ses parents à 23 ans. Attends, en même temps, ça dort avec son doudou à 23 ans. Ça fait la belle, ça se ruine en sac et en chaussures. Maintenant, à trouver le mec pour payer la fourrure. Reste une heure dans la salle de bain, mais s'épile pas à la moustache. Écarte les cuisses pour un rien, mais se monte pas sans maquillage. Un caméléon qui s'adapte aux gens qu'elle fréquente. Et pour des ronds, t'inquiète, que d'un coup, ça fricote. Une menthe religieuse, attention, danger. Non, mais t'es sérieuse à croire que moi, je vais me calmer. Tu me connais bien peu, mais on en doute était toutes ces années. Sûrement pas à mes côtés, je pense que j'ai dû cauchemarder. C'est fou comme la dernière des mères peut la mettre à l'envers. Réponds pas à mes questions, mais bien à celle du commissaire. Ça se permet de jouer avec les gens en étant seul au monde. S'appuie seulement sur une personne qu'elle connaît depuis 10 secondes. Plus dur sera la chute, plus longue sera la remontée. Et à part tes parents, je vois pas qu'il y aura pour te pousser. T'as trop peur de rester toute seule, t'as trop peur de te faire agresser. Maintenant je dirais effectivement que ta peur est fondée. Ça nique la gueule à tout le monde, ça se cache derrière la police. Rien que pour ça, tout le monde te veut, mais pas pour ta police. On a rien sans rien, tout acte a sa conséquence. Et ça, sale catin, ça tuera que t'ailles en France. Et puis, rien plus simple pour te noyer. Toi même tu sais, bah oui, qu'une bouée ça peut se crever. Ça appuie et ça défile, ça suce et c'est fébrile. Ça joue la pute et c'est docile, définition d'une fille facile. Ça n'hésite pas à se trahir devant des témoins. Dire blanc puis après noir, se mentir et puis se convaincre. T'es qu'une sous-merde, sans respect, sans valeur. À vie, t'as ma rancœur d'avoir tenté de me niquer en douceur. Mais je dis, t'as pas dû bien tout écouter. Parce que maintenant y'a un contrat sur ta tête dans la lancée. Ça appuie, ça se cache, mais t'inquiète, moi je te mate. Retourne-toi, tu verras toujours quelqu'un de bizarre, pas très loin, ignorante. Fais-moi coucou par la fenêtre, arrête de te prendre pour une ouf. J'suis juste à 10 mètres, ça s'encombre pas avec les détails. Même si ce sont des humains, j'm'encombrerai pas avec les détails. Qui t'a laissé des gains, t'as plus besoin de moi. Mais ça fait des vagues plus grandes que toi. On joue pas avec les gens en s'en sortant avec ses 10 doigts. Pas de bol, j'me présente, la première qui se laisse pas faire et qu'on a rien à faire. Tes bilans judiciaires, les flics ont toute ma vie. J'te jure, j'vais pourrir la tienne. Tu t'es cru menacé, mais ce n'était qu'un dixième. Le silence n'est pas un oubli, méfie-toi de l'eau qui dort. Y'aura plus d'écrit, t'inquiète, ni témoin dehors. C'est une pute comme les filles qui commencent par C. Et puis si c'est une lutte, je vais commencer par tout casser. Tout casser, tout casser, tout casser.